Exercice 13, page 113. Maude Dupuis a fini par parler. Elle a donné l'adresse du Balto à Brochant et Tenon. Pascal Briand est un habitué de l'endroit. C'est là qu'il donnait des rendez-vous à Maude. Mais il ne s'est pas montré depuis 2 jours.